Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Cendrillon. Il était une fois une pauvre orpheline du nom de Cendrillon. Après la mort de sa maman, son papa se remaria avec une dame cruelle et méchante qui, dès le lendemain de son mariage, détestait déjà Cendrillon. Dès le jour où sa belle-mère vint habiter à la maison, la vie de Cendrillon devint un véritable supplice. Sa belle-mère avait deux filles, aussi disgracieuses que paresseuses. Elles traitaient Cendrillon comme leur servante et l'obligeaient à coudre, à balayer, à frotter et à récurer la maison du matin au soir. Elle devait dormir au grenier sur un vieux matelas de paille tout troué, car ses deux demi-sœurs avaient pris possession de sa chambre et dormaient dans son lit douillet. Pauvre Cendrillon. Elle était si fatiguée quand elle avait fini de travailler, et elle avait si froid dans son grenier que pour se réchauffer, elle descendait souvent s'asseoir près des cendres qui crépitaient encore dans la cheminée et dégageaient un peu de chaleur. Voilà pourquoi ses deux vilaines demi-sœurs l'avaient surnommée Cendrillon. Les jours passèrent, et jamais Cendrillon ne se plaignit de son sort. Un jour, le messager du roi apporta une invitation à un grand bal donné au palais pour réunir toutes les jeunes filles du royaume. Dans tout le pays, les rumeurs allaient bon train. On disait que le roi voulait marier son fils et que le prince choisirait sa fiancée parmi les invités. Les deux vilaines sœurs étaient folles de joie. « Nous sommes invités au palais !» gloussait-elle. « Vite, Cendrillon, vite! Il nous faut des rubans, de la soie, des perles et des dentelles !» Pendant les semaines qui suivirent, il n'y eut d'autre sujet de conversation que leur toilette pour le grand bal du roi. « Je porterai ma robe rose, bordée de dentelles !» dit la plus jeune. Et moi, celle qui est cousue de fil d'or, rétorqua l'aînée. Le jour du bal, Cendrillon passa la journée à repasser les robes de ses demi-sœurs, puis elle les aida à s'habiller. Pourrais-je vous accompagner au bal? Demanda-t-elle timidement. Toi? Oh, avec ta robe trouée et tes vieux sabots tout crottés. Oh, mais tu plaisantes, pauvre Cendrillon, ricanèrent les deux sœurs en lui claquant la porte au nez. Et elles montèrent sans se retourner dans le carrosse qui les conduisit au palais. Cendrillon alla se cacher dans un coin pour pleurer. C'est alors que sa marraine la fée lui apparut dans un halo de lumière. « Pourquoi pleures-tu ? » demanda-t-elle. Cendrillon pleurait tellement qu'elle n'arrivait pas à répondre. « Je voudrais tellement aller au grand bal du roi !» balbutia-t-elle. « Ne pleure pas. « Je vais exaucer ton vœu, » répondit la fée d'une voix douce. Le visage de Cendrillon s'illumina. « Vous allez exaucer mon vœu? Mais comment ferez-vous, bonne marraine? Je n'ai ni robe, ni souliers pour aller danser. » « Vite, » dit la fée, « va me chercher une citrouille au jardin. Apporte-moi la plus grosse que tu trouveras. » Cendrillon courut au potager en se demandant ce que sa marraine la fée allait bien pouvoir faire avec une citrouille. Elle s'empressa toutefois d'obéir et ramena la plus grosse citrouille du jardin. Et hop, d'un coup de baguette magique, la fée transforma la citrouille en carrosse d'or, étincelant comme le soleil. La fée se dirigea ensuite vers la souricière, où 6 souris venaient de se faire prendre. Et hop, d'un coup de sa baguette étoilée, la fée transforma les souris en magnifiques chevaux gris. « Il nous manque un cocher, » dit la fée en regardant fixement un rat qui courait sur le plancher. Et hop, le rat fut changé en cocher. « Que nous manque-t-il encore ?» demanda la fée en se grattant le menton. « Des valets, bien sûr, pour accompagner le cocher. Cendrillon, cours au jardin et ramène-moi 6 lézards. » Cendrillon s'empressa de soulever les pierres du jardin et trouva 6 lézards endormis qu'elle déposa aux pieds de la fée. Et hop, la fée les transforma en valets revêtus d'un magnifique habit rouge et vert. Puis, triomphante, elle se tourna vers Cendrillon en disant « Ton carrosse t'attend, Cendrillon. » « Oh, c'est le plus beau carrosse du monde, mais je ne peux pas y monter avec ma vieille robe trouée, » balbutia Cendrillon. Un coup de baguette magique, et hop, plus de robe trouée, plus de sabots crottés, mais une somptueuse robe de bal en satin et des petits souliers de verre pour aller danser. « Tu peux monter dans le carrosse maintenant, » dit la fée. « Mais attention, tu devras quitter le bal avant minuit, car l'enchantement cessera à minuit pile, et tu retrouveras ta robe trouée, tes sabots crottés, la citrouille, le rat, les souris et les lézards. « Je jure de partir avant minuit, » promit Cendrillon émerveillé. Le fils du roi avait entendu dire qu'une princesse étrangère allait venir au bal. Lorsqu'il vit Cendrillon arriver dans son carrosse d'or, il ne douta pas un seul instant qu'il s'agissait de l'inconnue, et il se précipita au-devant d'elle pour l'accueillir et la conduire à la salle de bal. Maintenant, retourne la cassette. Dès qu'elle entra au bras du prince, si belle et rayonnante de bonheur, un grand silence se fit dans la salle. Les musiciens arrêtèrent de jouer. Les invités cessèrent de danser. Et tout le monde contempla avec stupéfaction cette belle étrangère que personne ne connaissait. Cendrillon valsa toute la soirée avec une grâce infinie. Pendant ce temps, ces 2 vilaines demi-sœurs la regardaient avec méfiance, mais sans la reconnaître dans ses beaux habits. Lorsqu'elle entendit sonner minuit moins le quart, Cendrillon se souvint de l'avertissement de la fée et quitta prestement la salle de bal. Elle arriva chez elle à minuit pile, et le carrosse se changea aussitôt en citrouille, et les chevaux en souris, le cocher en rat et les valets en lézard. Lorsqu'elle retrouva ses habits troués, Cendrillon s'écria. Quelle merveilleuse soirée! Merci! Merci, Madame la Fée, de m'avoir donné tant de bonheur. Ah! Comme j'aimerais retourner au bal demain et revoir le prince! Au même moment, les deux vilaines demi-sœurs rentrèrent du bal. Oh! Nous avons passé une soirée extraordinaire, dirent-elles à Cendrillon, croyant la rendre jalouse. Nous avons fait la connaissance d'une belle princesse étrangère, dit la plus jeune. Elle portait une robe, comme jamais tu n'en as vu, ma pauvre Cendrillon. Personne ne sait d'où elle vient. On ne connaît même pas son nom, ajouta l'aînée. Cendrillon garda le silence et sourit malicieusement en pensant au prince. Le lendemain, les deux vilaines sœurs retournèrent au bal en se pavanant. Or, dès qu'elles eurent passé la porte de la maison, la bonne fée apparut de nouveau à Cendrillon. Tu désires retourner au bal et ton vœu sera exaucé. Mais n'oublie pas ta promesse de rentrer ici avant minuit. Dès l'arrivée de Cendrillon au palais, le prince ne la quitta pas une minute. Cette fois, il était bien décidé à ne pas la laisser s'échapper. Et pendant toute la soirée, il dansa avec elle. Cendrillon était si heureuse qu'elle oublia sa promesse. Quand soudain, elle entendit sonner le premier coup de minuit. Elle s'affola et quitta la salle de bal en courant. Oh, ouf ! Il était temps. Lorsqu'elle arriva aux portes du palais, elle n'avait plus ni carrosse, ni chevaux, ni cocher, ni valet. L'enchantement avait pris fin. Il ne restait à Cendrillon qu'un petit soulier de verre qu'elle avait gardé serré contre son cœur en s'enfuyant. Dans sa fuite, elle avait perdu l'autre dans les escaliers du palais, mais, heureusement, le prince l'avait ramassé. Il faut retrouver très vite celle à qui appartient ce soulier. C'est elle que je veux épouser, dit-il à son père d'un ton décidé. Dès le lendemain matin, le roi envoya ses messagers sillonner son royaume pour faire essayer le soulier à toutes les jeunes filles et retrouver ainsi la belle inconnue dont le prince était amoureux. Les messagers arrivèrent à la maison de Cendrillon en fin de journée. Ils étaient épuisés. De toutes les jeunes filles qui avaient essayé le soulier, aucune n'avait le pied assez fin pour pouvoir le chausser. Les deux vilaines demi-sœurs faillirent le casser tant elles se donnèrent du mal pour l'essayer. Mais, peine perdue, elles n'y réussirent pas. Alors, Cendrillon s'approcha. « Oh ! La souillon veut essayer le soulier de la fiancée du prince ! C'est vraiment trop drôle, n'est-ce pas ? » ricanèrent-elles en cœur. « Le prince nous a ordonné de faire essayer ce soulier à toutes les jeunes filles du royaume, » répliquèrent les messagers du roi. Cendrillon glissa son petit pied dans le soulier. « Regardez, il lui va ravir !» s'écria un messager. « Comment ? Mais c'est impossible !» s'écrièrent les deux demi-sœurs, à la fois incrédules et vertes de jalousie. Alors, d'un petit paquet qu'elle tenait serré contre son cœur, Cendrillon sortit l'autre petit soulier de verre qu'elle avait conservé. Au même moment, sa marraine la fée apparut et, hop, d'un coup de baguette magique, elle rendit à Cendrillon la robe en satin qu'elle portait le soir du bal. Les messagers reconnurent aussitôt la belle inconnue qui avait séduit le prince, et ils l'escortèrent jusqu'au palais pour la présenter au roi. Quelques jours plus tard, le roi donna le plus grand bal de son règne pour célébrer le mariage du prince et de Cendrillon. « Me ferez-vous l'honneur de la première danse ?» demanda le prince à sa jeune épouse lorsque les musiciens commencèrent à jouer. Cendrillon prit son bras en souriant et cette fois, ils dansèrent toute la nuit. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire de la chemise de la Trisaïole.